Vous écoutez la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre le journal en français. Eric Ouimana à la mise en onde et à la présentation, c'est Jean Bosco Ouimana. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à vous tous. Voici l'essentiel de l'actualité. Nous sommes vendredi 20 mai 2016. À un jour de la relance des négociations inter-burundaises à Arusha, les appels à un engagement ferme des négociateurs pour trouver des solutions aux problèmes liés à la crise burundaise fusent de partout. On fait largement le point dans cette édition. Nous aurons également notre mot à dire. Ce sera à la fin de ce journal. La cour d'appel de Ngozi vient de condamner Michel Nourouézé, surnommé Rwembe, à 15 ans de servitude pénale. Alors qu'un don d'une ambulance bien équipée d'un groupe électrogène moderne a été offert à l'hôpital militaire de Kamenge par l'ambassade des États-Unis au Burundi, nous aurons la réaction du docteur Marc Nimburanira. Il est médecin directeur de cet hôpital. Voilà pour le sommaire. Bonjour, le bureau de la facilitation confirme que le dialogue inter-burundais va se dérouler à Arusha en Tanzanie du 21 au 24 mai courant. Le bureau du médiateur indique dans un communiqué qu'il a invité le gouvernement du Burundi, les anciens présidents de la République, les partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses et d'autres acteurs politiques importants et que 63 invités ont déjà confirmé leur participation. Le bureau du médiateur ajoute que seront présents aux cérémonies d'ouverture le secrétaire exécutif de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, des envoyés spéciaux des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de l'Union africaine, ainsi que celui des États-Unis. Et au chapitre des attentes, l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, appelle tous les leaders à s'engager résolument à trouver des solutions à tous les problèmes consécutifs à la crise que le Burundi traverse depuis une année déjà. Ce sénateur interpelle les négociateurs d'éviter de poser des conditions et surtout de donner un message d'apaisement dès le début de ces négociations qui s'ouvrent ce samedi à Arusha. On l'écoute. Je voudrais d'abord demander à tous les leaders burundais, que ce soit les leaders dans les institutions qui gouvernent le Burundi aujourd'hui, que ce soit les leaders qui se réclament de l'opposition, que ce soit les leaders des confessions religieuses, que ce soit les leaders de la société civile, les leaders d'autres organisations, tous les secteurs dans lesquels en fait se mène la vie au Burundi, que tous ces leaders-là, aujourd'hui, s'engagent à donner un message d'apaisement. Un message d'apaisement que désormais, nous sommes engagés pour négocier les solutions les plus possibles qui nous aident à nous sortir de la crise dans laquelle nous sommes depuis une année. Ce message-là permettrait alors dans la suite de s'attaquer sans peur, avec responsabilité, aux problèmes qui ont été causés par cette crise dans laquelle nous sommes depuis une année. Et là, je pense que si nous y allons avec bonne volonté, il y aura moyen d'aller jusqu'à trouver des solutions adéquates à ces questions qui se posent. Et là, pour ceux qui gouvernent, la première responsabilité, c'est de reconnaître qu'il y a des problèmes. Ne pas reconnaître qu'il y a des problèmes, c'est ne pas s'afficher comme ayant la volonté et peut-être ayant les capacités de faire face à ces problèmes. Des problèmes, il faut les reconnaître. Et il faut, quand on reconnaît qu'il y a des problèmes, savoir identifier correctement la voie qu'il faut emprunter pour faire face à ces problèmes. Et aujourd'hui, la voie la mieux indiquée, c'est la voie de la négociation. Je ne voudrais plus entendre franchement, et c'est moi qui parle et m'engage, quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien à négocier. Il y a beaucoup de choses à négocier. Je ne voudrais pas entendre quelqu'un dire « je ne peux pas négocier avec celui-là ». Non, on négocie justement avec celui avec lequel on a un différent. En deuxième lieu, je voudrais m'adresser à ceux de l'opposition. Ils ont également des responsabilités. Tous les problèmes que nous sommes en train de négocier ne se résoudront pas nécessairement tel que nous le pensons. Je peux comparer ceux qui vont dans la négociation à cette jeune fille qui peut aller aujourd'hui se marier. Des fois, dans notre culture, quand on est en train de chanter, de danser pour elle, on lui dit « Tu entres dans ta maison en tant que fille, mais demain tu en sortiras femme. » Et quand vous allez en négociation, vous n'en sortez pas comme vous êtes entré. Vous en sortez transformé. C'était le sénateur Sylvestre Ntibantunganya. La priorité dans ces négociations qui s'ouvrent justement demain à Arusha serait de résoudre les problèmes liés à la mauvaise gouvernance. C'est le point de vue d'Agathon Rwasa, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il estime que les pouvoirs qui se sont succédés ont toujours voulu exclure les autres sur le terrain politique. Agathon Rwasa indique en outre que le climat sécuritaire doit être amélioré pour permettre à tout Burundais de jouir de ses droits tant politiques, civils qu'économiques. Suivez Agathon Rwasa. En définitive, la crise burundaise ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier. Et si on analyse bien, il y a un problème de gouvernance qui sous-tend toutes les crises que nous avons traversées, même l'actuelle. Donc je juge que prioritairement, c'est question d'analyser la situation de gouvernance et arriver peut-être à élaborer une charte de gouvernance qui serait impérativement soumise à tous ceux qui voudront entrer en politique, pour que tout le monde sache à quoi ils sont appelés à se conformer. Par ailleurs, le climat sécuritaire doit être amélioré pour que, du fait que nous sommes dans une crise qui trouve son origine implicite dans l'organisation des élections de 2015, on puisse arriver à une situation où les Burundais, nous pourrons alors nous organiser pour les prochaines échéances. Là, on doit le faire dans les mêmes conditions. Il n'est pas question qu'il y en ait qui monopolise le terrain politique au détriment des autres. Il n'est pas question qu'il y en ait qui se prépare aux prochaines échéances et à l'intérieur lorsque les autres sont à l'extérieur du pays. Donc, on doit créer des conditions de paix, de sécurité qui permettent à tous les Burundais de jouir de leurs droits, tant politiques, civils qu'économiques. Par ailleurs, il y a un environnement politique qui n'est pas du tout propice à l'épanouissement de la démocratie. Nous avons une myriade de partis politiques, des partis politiques disloqués qui peinent à se réunifier et chaque fois qu'ils font la tentative de se réunifier, on voit qu'il y a une main invisible du pouvoir qui s'agite et torpille tout. Donc, je crois qu'il est temps qu'on se remémore de la feuille de route dans sa recommandation parlant de la réunification des partis disloqués et de la fusion de certains partis qui, visiblement, ne sont pas présents sur le terrain. Et comme ça, on peut espérer que la démocratie peut réellement décoller dans ce pays. Agathon Rwasa, de son côté, le président de l'association Parole et Action pour le changement des mentalités PARCEM propose 5 priorités qui devraient retenir l'attention des négociateurs d'Arusha. Il s'agit entre autres du respect des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation signés en 2000, de la constitution qui en est issue, mais aussi de l'arrêt des violences observées au Burundi. Faustin Ndikumana souhaite que ces négociations soient courtes. Suivez-le. Dialogue inter-Burundais ne devrait pas être à la Syrienne ou à l'instar du dialogue israélo-arabe. Les Burundais sont fatigués. Nous voulons un dialogue court parce que les Burundais ont déjà dialogué dans le passé sur des questions de fond et en profondeur. Les 5 priorités actuelles, c'est d'abord l'arrêt de toute forme de violence, d'où qu'elle vient, avec des mécanismes de lutte contre l'impunité, donc un climat d'apaisement permettant le retour des réfugiés. Deuxièmement, l'engagement de tous les participants à faire de l'accord d'Arusha et la constitution les véritables socles de stabilité de notre pays et garder jalousement leurs acquis, ce qui garantit donc la stabilité des générations actuelles et des générations futures, avec des mécanismes de suivi de remise en application. Nous voulons restaurer la démocratie véritable des institutions avec toutes les légitimité requise qui recouvre la confiance des partenaires et pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour agir à la souffrance du peuple. Donc rétablir les principes démocratiques, les libertés publiques, liberté des médias, société civile, fonctionnement des partis politiques et aboutir à la préparation des élections libres, transparentes, évitant toute forme de contestation. Et enfin, l'engagement de respect des principes sacros et de bonne gouvernance pour bannir le cancer de la corruption, l'enrichissement illicite, détournement des biens publics et enfin le débat sur la situation économique du Burundi, afin d'enclencher la dynamique, d'engager le pays sur la voie de l'émergence. C'est honteux, un pays comme le Burundi qui regorge de potentialités évidentes en matière de développement, qui croupit dans une misère indescriptible. Alors nous souhaitons que la médiation utilise de son savoir-faire et de son génie pour nous faire arriver à ces résultats. Faustin Dikoumana, président de l'association Parcé. Mais le Conseil national de Bashinganhai estime qu'aucun Burundais ou groupe de Burundais ne devrait être exclu de ces négociations. Balthazar Abonimana considère que la plateforme Sénarède ainsi que les anciens du parti au pouvoir devraient être représentés, ce qui permettrait de mettre à table toutes les préoccupations d'une partie du Burundi. Balthazar Abonimana. Un dialogue qui s'établirait uniquement entre ceux avec lesquels vous, vous partagez vos convictions serait un dialogue pour quoi faire? Ce serait plutôt un monologue. Je pense qu'il faut, s'il faut parler de dialogue, il faut précisément l'ouvrir à tout le monde et plus précisément à ceux qui vous combattent, à ceux qui ont des idées différentes des vôtres pour que vous, vous puissiez les exposer devant le facilitateur. Il ne sera pas seul d'ailleurs, je pense que ce sera toute l'équipe qui pourra travailler donc avec lui. Alors, pour moi, ça devrait être un dialogue effectivement inclusif, un dialogue qui n'exclut personne. Je pense que c'est le prix que nous devons payer si nous devons rebâtir un pays paisible, un pays rassurant pour tous. Et spécifiquement, que devrait être la place des frondeurs du parti CNDD-FDD au pouvoir qui font également partie de la plateforme Sénarède? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Que ce soit les membres du Sénarède, que ce soit ce qu'on appelle frondeurs, que ce soit même d'autres groupes d'opposition qui se créent ou qui existent déjà, je pense que si on parle du dialogue, il faut l'ouvrir à tout ce monde. Bien sûr, tout ce monde ne va pas se retrouver à Arusha, mais au moins des représentants pertinents. Cela permettrait effectivement de mettre à table toutes les préoccupations de majeure partie du Burundi. Et le gouvernement viendrait avec les siens, les gens de sa mouvance, les autres également se mettraient en route pour tous se rencontrer, que ce soit à Arusha ou à un autre endroit. Mais pour le moment, je pense que c'est déjà convenu que ce sera à Arusha. L'essentiel est de discuter de ce qui peuvent tirer le Burundi de cette situation dangereuse dans laquelle nous continuons à patauger. Balthazar Abonimana, c'est le président du Conseil national de Bashinganhai au micro de Léonce Huitariho. Et nous venons d'apprendre que les anciens membres influents du parti CNDD-FDD n'ont pas été invités par la médiation, comme l'a précisé Onésime Ndouimana. Il est ancien porte-parole de ce parti. Entre-temps, le gouvernement a confirmé sa participation à ces pourparlers, c'est un rappel, à travers la voix du conseiller principal en communication à la présidence de la République, Willy Nyamitwe. Pour lui, il s'agit de continuer le dialogue déjà initié au pays. Le gouvernement ne peut pas promouvoir le dialogue et en même temps s'absenter quand les Burundais se réunissent autour d'une table de dialogue. Donc le gouvernement du Burundi sera représenté à Arusha parce que la session prochaine, c'est une suite logique de ce qui se passe dans le dialogue inter-burundais à l'intérieur du pays, comme le gouvernement a toujours promis que les Burundais de l'intérieur et de l'extérieur de la diaspora devront tous être consultés afin qu'ils apportent une pierre à l'édifice. Donc le gouvernement ne jouera pas les absents, il sera présent afin que ce dialogue puisse réellement se poursuivre et apporter une pierre angulaire à l'édifice qui est la paix et la sécurité dans le pays. Le dialogue à l'étranger recommence après une année de crise au Burundi. Quelles seront les priorités du gouvernement dans ce dialogue? La priorité du gouvernement, pas dans le dialogue futur, mais ça a toujours été la priorité du gouvernement, c'est la paix et la sécurité dans le pays, mais également asseoir un développement durable dans le pays, en passant par la lutte contre la pauvreté. Asseoir la paix dans le pays, quelle sera la responsabilité du gouvernement? Mais le gouvernement, c'est le premier garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Il joue pleinement son rôle. Vous avez suivi le désarmement de la population qui détient des armes illégalement et la sécurisation des frontières et de toute la nation. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement est à pied d'œuvre et continue à sensibiliser la population afin que cette population apporte aussi sa contribution dans le maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays. Willy Nyamitwe, il est conseiller principal en communication à la présidence de la République. Je le rappelle, c'est donc ce samedi que les négociations entre les acteurs concernés par le conflit burundais vont reprendre à Arusha en Tanzanie. Le gouvernement de Bujumbura et sa mouvance, les partis de l'opposition, les confessions religieuses, la société civile et bien d'autres acteurs seront écoutés par la médiation pendant 4 jours. Et la radio Isanganiro a un mot à dire à travers cet éditorial que nous présente Marie-Ange Nzeimana. Ce samedi, à Arusha, en Tanzanie, c'est le rendez-vous important des leaders des différents secteurs de la vie nationale. Ils se rencontrent pour 4 jours en vue de discuter sous la facilitation du médiateur sur les solutions aux problèmes causés par la crise qui vient de durer 1 année. Le gouvernement et ses alliés, les anciens présidents de la République, les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, les confessions religieuses et d'autres acteurs politiques importants y prendront part pour échanger sur les destinées du pays. Les uns et les autres évoquent comme priorité le retour de la paix et la sécurité dans tout le pays. Ce qui est sûr est que la responsabilité dans la crise qui s'écoule au Burundi est partagée. Les victimes sont pour la plupart les populations innocentes qui sont sacrifiées sur l'autel des intérêts sectaires. Des gens, entre autres, sont tués, emprisonnés, torturés, sans parler des exilés qui se comptent en centaines de milliers. Ce qui est malheureux, c'est que ces crimes semblent cycliques, comme si c'était une fatalité pour le pays, sans que les acteurs politiques n'en tirent une quelconque leçon. Ce qui est malheureux encore, c'est encore que les Burundais perdent leur temps à s'entretuer au lieu de s'atteler à des travaux de développement. Oui, c'est une bonne nouvelle que les pourparlers reprennent, mais les Burundais souhaitent que des solutions soient trouvées au plus vite. Personne ne veut que ces négociations soient une occasion de partager des postes politiques, que l'intérêt public soit mis en avant plutôt que des intérêts individuels ou des groupes d'individus. L'urgence pour tous les Burundais, c'est la paix, l'arrêt de la violence, la défense des droits de l'homme, le retour des réfugiés et la bonne gouvernance pour lesquels les Burundais éprouvent la nostalgie. Pour tout, ces citoyens n'attendent la solution qu'à travers les négociations qui reprennent à Arusha. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous l'avais dit, un don d'une ambulance bien équipée d'un groupe électrogène moderne a été offert à l'hôpital militaire de Kamenge par l'ambassade des États-Unis au Burundi. Le directeur de cet hôpital indique que ce don leur permettra d'améliorer leurs prestations en faveur des patients. Le lieutenant-colonel Marc Nimburanira fait toutefois savoir que cet hôpital a besoin d'autres appuis pour atteindre le niveau D4 où tous les services médicaux seront disponibles. Suivez-le. Nous sommes satisfaits du don que nous venons de recevoir, mais pour les besoins de l'hôpital militaire, c'est pas tout. L'hôpital militaire a l'ambition d'atteindre le niveau 4. C'est un niveau où les Burundais qui nécessitent des soins qui ne sont pas disponibles ici au Burundi, cette fois-ci puissent avoir un endroit ici au Burundi où ils peuvent recourir sans devoir aller à l'étranger. Nous n'avons pas le service de chirurgie cardiovasculaire, nous n'avons pas un bon département d'imagerie médicale avec un scanner, avec une résonance magnétique, nous n'avons pas un centre d'oncologie qui va s'occuper du traitement des patients qui ont des cancers, nous n'avons pas de département qui s'occupe des patients avec des maladies mentales. Comme vous l'entendez, il y a encore des choses à faire. Nous venons de recevoir un don d'une ambulance bien équipée et d'un groupe électrogène insonorisé. Et en plus, c'était l'occasion de lancer un projet qui a été initié ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Ce projet nous a permis de faire la réhabilitation des locaux. Les locaux qui servent à la prise en charge des patients vivants avec le VIH-SIDA sont bien réhabilités avec des places assises qui sont confortables et les locaux aussi qui vont servir à recevoir les services communautaires que sont les consultations prénatales, le planning familial et la vaccination. C'était Dr Marc Nimburanira. Dans le reste de l'actualité, la cour d'appel d'Ngozi vient de condamner Michel Nourgouez, surnommé Rwembe, à 15 ans de servitude pénale. Cet officier de la police nationale est aussi obligé de payer à la partie civile le dédommagement de 5 millions de francs burundais. Il est condamné pour tentative de meurtre après avoir tiré sur son agent de transmission, Samuel Ndouimana. C'était le 7 janvier 2016 dans un des hôtels du chef-lieu de la province Muyinga. Michel Nourgouez est actuellement locataire de la prison pour hommes de Ngozi. Et après l'attaque perpétrée à la 6e transversale de la commune Gihanga en province Bouvanza dans la nuit de mercredi, l'administrateur de cette commune appelle la population à la vigilance et met en garde ceux qui hébergent des hommes armés. Léopold Ndayisaba l'a annoncé dans une réunion de sécurité de ce jeudi. Après cette réunion, 3 personnes ont été arrêtées par la police et conduites vers Bujumbura. Spécialitas Kavanyana pour les détails. Dans cette cette réunion de sécurité qui a eu lieu au quartier Viondo de la commune Gihanga, l'administrateur de cette commune a recommandé à la population de signaler à tout moment la présence des gens suspects aux forces de l'ordre ou aux administratifs. Léopold Ndayisaba a également précisé qu'il détenait des informations faisant état de passage des malfaiteurs à Gihanga, où il passe même des nuits en faisant des réunions nocturnes. L'administrateur a mis en garde ces gens qui hébergent ces groupes armés et a précisé qu'ils seront punis conformément à la loi une fois attrapés. L'un des participants à la réunion a quant à lui soulevé des inquiétudes qu'il y a des moments où on donne une information sur la sécurité et que les choses tournent vers l'informateur. Après cette réunion de sécurité qui a eu lieu ce jeudi dans l'après-midi, 3 personnes ont été arrêtées par les policiers qui étaient avec Désiré Ouamahoro et ont été conduits Manu Militari vers Bujumbura. Il s'agit de Nikuze Désiré, Bigirimana Diomède et Rutange Benjamin. Les sources policières indiquent qu'ils sont accusés de complicité avec les groupes armés. Les informations en provenance de leur famille indiquent qu'ils seraient détenus au cachot du Service national de renseignement à Bujumbura. Merci Spé. Ces deux personnes ont été blessées la nuit dernière dans une attaque armée menée sur 2 ménages sur la colline Mukara de la commune Mugamba dans la province Bururi. Dans l'un de ces ménages habite un élève accusé de collaborer avec les forces de sécurité. Suivez Jean-Pierre Misago, c'est notre correspondant là-bas. Il vient de s'entretenir avec Célestin Blaise Néokougaï. C'était vers 22h40 lorsque deux ménages de la colline Choma sur la sous-colline Mukara se sont vus attaqués par des hommes armés. Leur nombre n'est pas encore déterminé. Et des deux ménages attaqués, une chèvre a été tué. Les habitants de ce ménage avaient déjà fui. Ils ont dit qu'ils avaient eu des échos comme quoi il y aurait une attaque. Les assaillants, sur leur chemin de repli, ils sont passés par le centre Mukara. Ils ont tiré sur deux personnes. Heureusement, elles sont blessées pour le moment. Une gravement a été transférée dans un des hôpitaux de Bujumbura. Quelle est la situation des personnes habitant dans ces ménages ou qu'est-ce qu'ils y disent? Ils y logent ces derniers jours en brousse, quand c'est la nuit, ils demandent que la sécurité soit assurée parce que ce n'est même pas la première fois que ces ménages ont été attaqués. L'un de ces ménages qui abrite un élève qui fréquente le lycée communal de Mugamba a été attaqué. C'était le 1er mai courant et à ce moment, un fusil des assaillants a été saisi et remis aux forces de l'ordre. Ce serait même ce fusil saisi qui ferait objet des poursuites peut-être engagées contre cet élève. Nous avons entendu qu'il y aurait eu une réunion à propos de cet élève. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Cette réunion vient de se terminer. Il a été décidé que cet élève regagne la classe, mais visiblement, ses camarades ne sont pas du tout satisfaits. Ils disent que c'est une décision prise unilatéralement et qu'ils ne sont pas prêts à accueillir un élève qui serait déjà engagé dans des services de sécurité, notamment la documentation et la police, pour traquer ses camarades. Voilà, c'était notre correspondant permanent Jean-Pierre Misago en province de Bururi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Au micro, Jean Bosco, Ouimana. Un bon après-midi.